Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Sixième épisode, les milices anarchistes. En un mois, sortent de la caserne Bakounine de Barcelone près de 18 000 miliciens. Une partie est transférée sur le front de Madrid et le reste sur celui d'Aragon. La plupart des colonnes portent le nom de leur délégué général, Durruti Ortiz. La colonne Francisco Ascaso, conduite par Gregorio Jover, rend ainsi hommage aux militants tombés le 19 juillet à Barcelone. Chaque colonne est organisée en groupement de 5 centuries, formés de 4 groupes de 25 combattants. Groupes et centuries élisent leurs délégués qui sont révocables s'ils ne donnent pas satisfaction. Forte de 3 000 hommes et femmes courant août, la colonne Durruti est dirigée par un comité de guerre de 7 personnes, assistée d'un conseil technico-militaire d'officiers de l'armée espagnole, restés fidèles à la République. Aux côtés des centuries, des groupes spéciaux de guerrilleros ont pour fonction d'attaquer l'arrière-garde ennemie. Leurs noms sont évocateurs. Les Fils de la Nuit, la Bande Noire, les Dynamiteurs, les Métallurgistes, etc. Ils sont en grande partie autonomes, tout comme le groupe international, dont le délégué général Louis Berthomieux est en contact direct avec le comité de guerre. Le groupe international comprendra bientôt 5 groupes représentés par 5 délégués, Ridel, Fortin, Carpentier, Cotin et Carl. La structure des colonnes vient de la base, c'est une œuvre collective, un processus expérimental, ébauché au fil des jours depuis la sortie de Barcelone, mais encadré par les anciens du groupe Los Solidarios, que l'on retrouve à tous les postes clés. García Oliver, au comité des milices, Ricardo Sanz, à la caserne Bakounine, Aurelio Fernandez à la police, et les 3 autres cités à la tête des colonnes. Pour les milliers de jeunes ouvriers anarchistes de Barcelone, qui s'enrôlent de façon enthousiaste dans les milices de la CNT et de la FAI, il n'est pas question de se retrouver dans une structure militaire classique. Une révolution se fait dans le présent, et la vie des milices ne peut être autre chose que l'image de la société sans classe à laquelle on aspire. Ainsi, les délégués ne doivent bénéficier d'aucun privilège particulier et la base doit être amplement consultée. Quant à la discipline, librement consentie, elle s'appuie sur la solidarité de classe et la responsabilité personnelle. Les milices anarchistes seront âprement critiquées et bien souvent calomniées pour cet état d'esprit par le gouvernement et les communistes, qui leur attribueront la responsabilité des échecs militaires, une façon comme une autre de masquer leur propre implication dans le sous-armement et le blocage de l'attaque sur Saragosse. Pourtant, ce sont ces mêmes hommes et femmes, ne connaissant au mieux que les combats de rue contre la police, qui résisteront pendant des mois aux franquistes. Un milicien du groupe international a plus tard exprimé à sa façon le sentiment qu'il habitait en 1936. Pendant des mois, j'ai été heureux. Une combinaison de mécaniciens, une paire d'espadrilles, une couverture, un Mauser. Quand tu dormais, tu savais qu'un camarade veillait. Et quand tu étais de garde, tu te sentais le protecteur des autres. Pour moi, la révolution, c'était ça. Je n'ai jamais pensé à la victoire, je n'ai jamais espéré. Je n'ai même jamais pensé au lendemain. C'est difficile à expliquer. J'existais. Tu sais qu'il est possible de vivre vraiment, sans renoncer à rien. Voilà ce que la guerre, dévoreuse de révolution, n'a en tout cas pas pu empêcher. Antonio Jiménez est maintenant parfaitement intégré dans la colonne. Le groupe international comprend, selon les moments, 50 à 100 miliciens, français, allemands, italiens, marocains, britanniques, russes, américains, sans compter un nombre non négligeable d'espagnols, déserteurs de l'armée franquiste. Aux prisonniers faits pendant les batailles, le groupe propose toujours d'intégrer les milices plutôt que de les envoyer au quartier général où ils sont souvent fusillés, dans les premiers mois de la guerre en tout cas. En ce début septembre 1936, l'ennemi s'est renforcé et la guerre de tranchées commence. L'assaut sur Saragosse est toujours bloqué, ce qui est très éprouvant pour les combattants. Seuls les coups de main des guerrilleros permettent quelques petites avancées du front ou de recueillir des renseignements, en allant parfois jusqu'à Saragosse secourir des camarades cachés depuis le coup d'État. Berthomieux, fatigué comme nous tous par la monotonie de nos patrouilles, pendant lesquelles nous n'arrivions presque jamais à intercepter l'ennemi, décida de pousser une pointe de l'autre côté du fleuve et d'y établir une tête de pont. Ce fut un véritable pique-nique. On s'installa autour de la maison de Manuel. Tant que dura le jour, on creusa, à tour de rôle, pour élargir et approfondir les sillons qui autour de la maison délimitaient les champs et les vignobles, ou qui servaient à l'arrosage. On avait agencé ces tranchées de façon à nous permettre la position de tireurs à genoux. Quand la nuit fut tombée, nous partîmes par petits groupes, nous promener dans toutes les directions pendant 2 ou 3 heures. Certains d'entre nous poussèrent jusqu'aux maisons de Quinto de Ebro, mais sans rentrer dans le village. En revanche, ils visitèrent les poulaillers et nous rapportaient des poulets et des œufs. Ma mémoire a noté ce détail, car il fut à l'origine de la perte, par le groupe, d'une de nos camarades. Nous eûmes le chagrin de perdre Simone Veil, qui se brûla avec de l'huile bouillante en voulant faire des œufs sur le plat pour le déjeuner. On l'évacua sur Barcelone, et de là elle rentra en France. Elle était restée à peu de choses près, environ 1 mois avec nous. Un jour ou deux après son accident, on nous donna l'ordre de rentrer sur Pina. Le temps passait, on ne nous appelait plus Los Internacionales, mais Los del Gorro Negro. Dans les centuries, on avait adopté comme couvre-chef un béret, qu'on appelle en français, je crois, bonnet de police. Quand on le portait sur la tête, il avait la forme d'une barque renversée. Les Espagnols les faisaient faire à la couleur qu'ils préféraient. Il y en avait qui étaient façonnés avec des étoffes multicolores. Louis nous conseilla de les faire tout noirs, car une couleur claire pouvait nous trahir la nuit. Habillé d'un blouson serré à la ceinture et d'un pantalon, le tout de couleur sombre, le bonnet noir sur la tête, nous étions invisibles dès que le soleil se couchait et que nous commencions à nous faufiler entre les touffes de romarin et de genêt, des terrains incultes ou des vignobles, oliveraies et vergers de la campagne aragonaise. Une des opérations à laquelle j'ai participé avait pour objectif d'ouvrir une vanne et d'en fermer une autre pour que l'eau d'arrosage arrive à la huerta de Pina. Les écluses se situaient loin derrière les lignes ennemies. Nous étions 12 à participer à l'expédition. Chacun portait, en plus de ses armes, une petite musette de ciment spécial. Louis Berthomieux nous accompagnait. Les écluses n'étaient pas gardées, on fit le travail proprement. On ferma la vanne qui était ouverte, et un spécialiste de ce genre de travaux bloqua le tout avec du ciment. Moi, je faisais le guet à une certaine distance du groupe de travailleurs, et je ne sais pas comment ils exécutèrent leur boulot. Après nous être éloignés à bonne distance des écluses, nous tâmes un bref conciliabule. Étant donné le temps qui nous restait avant la levée du jour, nous ne pouvions pas suivre le même chemin qu'à l'aller. Nous décidâmes de prendre la voie la plus courte, droit devant nous. Le front n'était pas continu, il se présentait sur la carte comme une ligne de pointillés, dont les points étaient séparés par des espaces plus ou moins importants selon les accidents du terrain. Après 1 heure de marche relativement rapide, Louis nous fit signe de nous arrêter. Nous étions au pied d'un mamelon. Avec des gestes, il nous fit comprendre ce qu'il fallait faire. Puis, il commença à escalader la pente, en rampant, avec 5 copains déployés derrière lui. Les 6 derniers, dont je faisais partie, devaient entreprendre l'escalade 5 minutes après, si tout restait calme. Le jour pointait. On commençait à voir au loin se dessiner les sommets des monts de la Sierra d'Alcubierre. On avait franchi la moitié de la côte lorsque Louis nous appela à voix basse. « Vite, montez !» Ils avaient surpris les phalangistes endormis. Celui qui était de garde, assommé par un coup de crosse, n'avait pas fait ouf. Les autres ne s'étaient même pas réveillés. Les Navajas et les poignards, seuls, avaient opéré. Le poste avait la forme d'un croissant. On avait aplani le sommet de la petite colline de façon à lui donner l'apparence d'un carton à chapeau d'à peu près 1 mètre de profondeur et 4 ou 5 de diamètre. Des corps étaient allongés le long de la paroi. Ils paraissaient dormir. On se chargea de l'armement du poste. 6 fusils, une mitrailleuse, un pistolet. Et avec les munitions, on était plus chargé au retour qu'à l'aller. Une fois hors de vue des positions adverses, je m'aperçus que Bertomieu regardait souvent sa montre. Lui ayant demandé la raison, il me répondit que la charge de dynamite devait sauter 2 heures après la mise à feu et qu'il allait être le moment de bien ouvrir les oreilles si on voulait entendre l'explosion. Quelques minutes après, on entendit presque en même temps une détonation assourdie par la distance et les « Qui va là ? Halte !» de nos avant-postes. L'eau coulait dans les canaux d'arrosage quand nous arrivâmes à Pina. Nous étions épuisés. Notre randonnée avait duré presque 20 heures. La madre m'apporta mon souper au lit. On repassa le fleuve quelques jours plus tard, mais cette fois par ordre du QG. Notre mission consistait à tirer sur l'ennemi et immobiliser une partie de ses forces pour faciliter une avance de la colonne vers Saragosse. Nous n'étions pas une formation régulière. Notre travail consistait à foncer sur un objectif, frapper et décrocher aussitôt. Mais, à la guerre comme à la guerre, il fallait y aller, malgré notre peu d'enthousiasme pour les combats de tranchées. Bertomieu, Ridel, Carpentier et moi, plus quelques autres qui se trouvaient au PC lorsque l'ordre arriva, décidions de passer le Rio en plein jour. Si on nous voyait, tant mieux. Les troupes stationnées à Quinto viendraient nous attaquer, ou ne quitteraient pas leur position et nous attendraient. De toute façon, elles n'iraient pas au secours de celles attaquées par les unités républicaines. Ainsi, notre but serait atteint, notre mission accomplie. J'ai dit que Bertomieu, Ridel et moi, et quelques autres, avions décidé de la façon d'exécuter notre mission. Il ne faut pas croire que je faisais partie de l'état-major du groupe. En fait, il n'y avait pas d'état-major. Quand il fallait entreprendre une opération quelconque, on en discutait entre nous, chacun donnait son idée, on en gardait la meilleure ou celle qui nous semblait comme telle, ou alors on faisait une synthèse de différentes propositions. Depuis sa formation, le groupe avait décuplé ses effectifs. Nous étions un peu plus de 100. Avec les quelques Espagnols de Pina qui se joignirent à nous, c'est une compagnie de 120 hommes qui passa le fleuve ce matin-là, entre 9 et 10 heures. Manuel, qui connaissait tous les replis du terrain comme sa poche, puisqu'il y était né et y avait grandi, nous avait suivis. Le garçon avait un peu le cafard depuis le départ de Simone. Il était son grand ami, et elle disait de Manuel qu'il était beau, comme un dieu grec. Tout se passa sans anicroche au début. Ce fut la deuxième nuit que les choses se gâtèrent. La sentinelle, ayant perçu des bruits suspects, nous alerta. En silence, nous nous précipitâmes à nos postes. Il faisait noir comme dans un four. Le ciel était couvert. En d'autres occasions, j'aurais été content que la lune se lève tard, ou même pas du tout. Mais cette fois, la blonde Phébé me manquait drôlement. On avait tendu un fil de fer barbelé à 50 de mètres de notre ligne de défense, caché par des herbes assez hautes, pour y accrocher des boîtes de conserve et les petites clochettes que Manuel avait rapportées de la ville. Mais je craignais que l'avant-garde n'évente le piège. Et dans ce cas, elle pouvait arriver sur nous avant que l'on puisse l'apercevoir, et trop près pour pouvoir l'arrêter, avant qu'elle n'arrive dans la tranchée. Notre tête de pont avait la forme d'un trapèze, dont la ferme aurait été le centre du sommet, et la berge du fleuve, la base. Bertomieu nous avait assigné nos places. 5 hommes à l'intérieur avec la mitrailleuse, 20 à droite et autant à gauche des bâtiments. Une 60 devait défendre nos flancs, les autres restaient en réserve pour aller renforcer les points les plus touchés en cas d'attaque. Nous avions en plus de la mitrailleuse, 8 fusils mitrailleurs et quelques caisses de grenades Lafitte de fabrication française et notre armement individuel, fusils, pistolets, poignards et navajas. Crispé, seulement trahi par quelques légers craquements de brindilles écrasées, on attendait, essayant de percer les ténèbres pour découvrir cet ennemi invisible dans sa lente et silencieuse progression. Fauve en chasse, espérant surprendre au gîte d'autres fauves, qui à leur tour, tapis dans leurs trous, les attendaient, ayant senti le danger. Hommes en face d'autres hommes, les uns défendant des principes, des idées, des croyances vieilles de plus de 2000 ans, les autres se battant pour que l'ignorance, l'exploitation de l'homme par l'homme, les privilèges de classe disparaissent, pour que la justice, la liberté, l'égalité, l'amour règne enfin sur l'humanité entière. Qui avait raison ? Les défenseurs du passé ou ceux qui se battaient pour le futur ? Les combattants du présent ou ceux de l'avenir ? D'un coup, des sonnettes tintèrent. Mais le son du métal fut immédiatement étouffé par un cri qui sortit des ténèbres, déchirant la nuit. Adelante! Arriba España! Une ligne d'éclairs s'illumina devant moi, immédiatement suivie par des claquements secs des fusils, l'explosion des grenades et les pétarades des fusils mitrailleurs, mêlés au sifflement des balles. Feu! Le bruit devint assourdissant. L'âcre odeur de la poudre brûlée nous saoulait. Afinengi, à ma droite, debout, vidait le chargeur de son fusil mitrailleur, s'accroupissait, rechargeait, et de nouveau se redressait pour continuer son œuvre de mort, comme s'il faisait une démonstration de tir. Puis, je vis les éclairs diminuer. Les détonations s'espacèrent, et le silence de nouveau régna dans la nuit. Dans la pièce où il y avait la mitrailleuse et qui servait de PC, tout était sens dessus-dessous. Une grenade avait éclaté à l'intérieur. Personne n'avait été blessé. C'était un vrai coup de chance. Je retrouvai Berthomieux, Riedel, Carpentier, Mendoza, un Cubain, et Otto, un Allemand, venu comme moi au rapport. Les pertes étaient légères, pour parler en jargon militaire. Un mort et deux blessés légers, qui pouvaient continuer à se battre. Louis nous donna pour consigne de rester sur nos gardes, car il s'attendait à une deuxième tentative, plus importante que la première. Et il nous dit qu'il faudrait tenir jusqu'au dernier homme. Je me souviens d'avoir dit à Riedel en sortant, pourvu que la deuxième vague ne soit pas un raz-de-marée. Il me répondit, bah, on ne meurt qu'une fois. On reprit nos places. Tous les copains étaient contents. On avait repoussé l'ennemi une fois, il n'y avait pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. S'il revenait, il serait bien reçu. Je crois que s'il y avait quelqu'un qui craignait un éventuel retour de nos adversaires, c'était bien moi. Une dizaine d'hommes étaient sortis de la tranchée pour aller récupérer les armes et les munitions sur les morts laissés sur le terrain. Leur récolte nous rendit un réel service. Ils rapportèrent des fusils, des grenades, pas mal de munitions. On avait à peine terminé la distribution du butin entre nous, que nous eûmes une agréable surprise, suivie d'une autre, beaucoup moins bonne. La lune, croissant d'or, était parue, haute dans le ciel, clairant d'une pâle clarté champs, vignobles et bois, et à une centaine de mètres, une foule qui avançait, silencieuse et terrible. Elle s'arrêta, surprise par cette clarté qui la trahissait subitement. Dans la tranchée, le silence était total. Puis, rassurée, elle reprit sa marche. 80 mètres. Mentalement, j'évaluais la distance qui nous séparait. 70. 60. 55. 50. Le feu se déclencha simultanément sur les deux flancs de la position. Devant moi, la masse sombre se mit à courir, crachant des éclairs et du plomb. Fuego! Les fusils mitrailleurs et les grenades avaient fauché les premiers rangs, mais il en arrivait toujours, et toujours plus près. Je ne raisonnais plus. J'étais comme dans un rêve, où l'on se voit agir en spectateur de soi-même. Je sentais bien mon poignet sursauter, lorsque mon dos appuyait sur la gâchette. Mes yeux enregistraient tous les mouvements qui se produisaient autour de moi. Dirigeait avec une effarante précision le canon de mon pistolet, appuyé sur mon avant-bras gauche, orienté vers la cible choisie. Mon cerveau, vide de toute pensée spéculative, n'était plus qu'un appareil électromagnétique qui commandait à une machine faite pour tuer. À un moment, j'ai eu l'impression de voir un géant sauter vers moi. Il allait me passer dessus. Je vidais mon chargeur. Je me baissais pour réapprovisionner l'arme. Il tomba au travers de la tranchée, entre Afinengi et moi. Combien de temps dura la fusillade? Je n'ai jamais su. Le jour se levait, quand une sonnerie éclata loin devant nous. L'ennemi se retira, nous avions gagné. J'avais perdu 10 hommes. Si les phalangistes avaient tenu un quart d'heure de plus, je ne serais pas là pour le raconter, car on était à bout de munitions. Il ne nous restait plus qu'un ou deux chargeurs en moyenne par combattant. Après avoir compté nos pertes, qui s'élevaient à presque un quart de nos effectifs, Berthomieux m'envoya pour demander des renforts pour combler les vides et des munitions. C'est en allant vers le gué, les barques servaient à l'évacuation du blessé, que je trouvais un ami, qui par la suite devait me rendre de grands services. Accroupi près du cadavre d'un phalangiste, un chien faisait front à deux brancardiers, qui voulaient s'emparer de celui qui avait été son maître pour l'enterrer. Les brancardiers n'étaient pas armés, ils m'appelèrent pour que d'une balle je les débarrasse du cabot. L'animal était complètement noir. Ses longs poils ne laissaient voir que ses yeux et ses crocs, que les babines retroussées découvraient. Je n'eus pas le courage de l'abattre. J'admirais son courage et sa fidélité. Et malgré les pierres que lui jetaient les deux hommes, il restait là, à côté de celui qui avait été son ami et son maître. Avec une corde que je portais toujours à ma ceinture, je confectionnais un lasso. Après quelques vaines tentatives, je finis par réussir à lui passer le nœud coulant autour du cou. Je pus ainsi le traîner jusqu'à Pina, où je le confiai à Vincenta, après l'avoir solidement attaché dans le patio. Bien avant que le soleil n'arrive à son zénith, j'étais de retour à la ferme. Tout le monde travaillait pour rendre plus efficace notre retranchement, en prévision d'une prochaine attaque. On allait se mettre à table et ouvrir quelques boîtes de singes, quand un sifflement va nous couper l'appétit. « L'artillerie !» dit Berthomieux en allant vers la porte. L'explosion nous précipita sur ses traces. Un deuxième sifflement, une autre explosion. « Un court, un long, attention au troisième! Faites évacuer les tranchées et dispersez-vous !» Le troisième obus tomba sur la grange. Il n'avait qu'une seule pièce, mais il savait s'en servir. La maison et les tranchées furent copieusement arrosées. Le bombardement dura 1 heure environ. Grâce à l'initiative de Louis, on avait quitté la zone dangereuse à temps. Caché au milieu des vignes, tapis dans les buissons de noisetiers, allongé au pied des oliviers, nous avions assisté à la destruction de la ferme et de notre travail de fortification. Au crépuscule, un agent de liaison va nous apporter l'ordre de rentrer à notre base. Nous avions accompli notre mission. Toute armée qui n'avance pas recule, même si elle reste sur ses positions. Nous nous reculions sûrement. Depuis plus d'un mois, nous piétinions sur la rive est de l'Èbre. Oui, nous organisions la révolution. Nous structurions la société libertaire. Les collectivités du front d'Aragon fonctionnaient de façon exemplaire. Durruti était intransigeant sur la conduite des hommes qui étaient sous sa responsabilité. Il avait fait fusiller le responsable d'une centurie, Carillo, militant de la faille, parce qu'il avait gardé des bijoux qu'il avait offerts à sa compagne. Cette dernière, très coquette, n'avait rien trouvé de mieux à faire que de venir rendre visite à son homme, paré des joyaux qu'il lui avait donnés. Interrogée, elle avait reconnu que Carillo les avait trouvés chez une personnalité de Barcelone, et au lieu de les remettre au syndicat, avait préféré les lui offrir. La grande majorité d'entre nous étions des êtres simples et honnêtes. Notre logique admettait le vol comme moyen de lutte sociale, sans pour autant être capables nous-mêmes de commettre un vol, ou de nous approprier quoi que ce soit. Nous admirions ceux qui avaient le courage de vivre dangereusement, en dehors de la société, pour servir l'idée, en prenant aux puissants de la terre un peu de superflu pour en faire le nécessaire des ouvriers en grève, ou des détenus et de leurs familles. Car les prisons d'Espagne étaient pleines de prisonniers politiques. Il y avait aussi parmi nous des gens de sac et de corde, je crois l'avoir déjà dit. Mais ils étaient, par ce que je pouvais voir de leur comportement, sur la bonne voie. Presque tous travaillaient, aidant les paysans au champ ou les artisans de la ville. Carillo fut jugé par les délégués des centuries et condamné à mort. Nous faisions une révolution. On ne voulait pas chasser les patrons pour que d'autres prennent leur place. L'or, l'argent, les bijoux devaient servir à nous procurer les armes qui manquaient et non à parer les femmes de ceux qui croyaient peut-être avoir le droit de prendre la place et les biens de gens qu'ils avaient éliminés. C'est par ces ouvriers, paysans, voleurs que Doruti fut jugé son camarade de lutte. Il fut condamné. Malgré le calme qui régnait dans le secteur, parfois un de nous tombait sur les balles des tireurs isolés. C'est ainsi que fut tué Émile Cottin, qui en février 1919 tira sur Clémenceau. Il se trouvait de garde, perché sur un arbre, au bord du fleuve, quand une balle, sûrement tirée par un tireur d'élite, le tua. Il était un garçon taciturne, solitaire, toujours plongé dans je ne sais quel rêve intérieur. Nous étions à table, chez la tia Pasquale, qui avait accepté de faire la cuisine pour une dizaine d'entre nous, lorsque quelqu'un rentra en disant « On a tué Cottin !» Je le connaissais à peine. Je ne sus que plus tard qu'il avait essayé de tuer le tigre. Parfois aussi, on s'amusait. On faisait des blagues. Les copains se distrayaient comme ils pouvaient, quand pour une raison quelconque, ils ne pouvaient se joindre aux travailleurs de la collectivité. Un jour, deux Lyonnais arrivèrent au groupe. Comme j'avais deux places libres à ma table, Louis me les envoya. Ils étaient grands, larges d'épaules, massifs. Mais ils avaient surtout une grande gueule et n'étaient jamais contents. Ils protestaient toujours pour une chose ou pour une autre. La madre mettait trop d'huile dans les mets qu'elle nous préparait. Ils n'aimaient pas les pois chiches. Ils trouvaient toujours quelque chose qui n'était pas à leur goût. Mais le point sur lequel ils revenaient sans cesse était celui du vin. Ils n'avaient pas assez d'un quart. Il en fallait au moins un litre par repas. Il nous assurait qu'à Lyon, il vidait entre 5 et 6 litres par jour, sans compter les apéritifs. Fatigué, un jour j'en parlais à Louis, qui me conseilla de leur donner un litre de vin que la madre lui avait fait goûter, un soir où je l'avais invité à souper. C'était une entorse à nos habitudes, car on avait décidé depuis les premiers jours de nous contenter d'un litre pour 4. Je lui fis remarquer, mais il se mit à rire en disant « Écoute Antoine, donne-leur une bouteille à chacun, à condition qu'il la vide complètement tout seul, chacun la sienne. Débrouille-toi pour avoir quelqu'un sur qui tu puisses compter. Faut te donner un coup de main. » Le soir, je posais les 2 litres devant leur verre. Tout en mangeant, je leur déclarais que s'ils vidaient leur bouteille sans se saouler, ils en auraient autant tous les jours. Ils éclatèrent de rire. Se saouler avec 1 litre de pinard? Fallait être une petite nature pour penser cela. Eux, ils auraient pu en boire le double sans aucun risque. Tout le repas se passa en quolibets et en moqueries. Vincenta vint desservir, nous nous levâmes de table. C'est alors que les choses se gâtèrent pour nos 2 loustiques. On aurait dit qu'ils étaient rivés au banc qui leur servait de siège. Ils ne pouvaient pas se mettre debout. Après plusieurs essais, ils se dressèrent et d'un pas mal assuré arrivèrent à sortir de la pièce. Le changement de température, le contraste de la tiédeur de la salle à manger avec la fraîcheur de la rue les acheva. Ils appuyèrent leurs bras contre le mur et baissèrent la tête. Vicenta fut obligée le lendemain de laver à grand eau devant sa porte et nous fûmes contraints de les porter au lit. Le vin devait tirer entre 17 et 18 degrés. Ils se laissaient boire comme du petit lait, à condition de rester assis sans bouger et de ne pas en abuser. Passé une certaine quantité, ils vous coupaient les jambes. Je le savais par expérience. Écoutons pour finir le discours du délégué général de Cologne, Buenaventura Durruti, prononcé le 12 septembre à la radio de Sariñena, pour relever le moral de l'arrière et alerter les travailleurs sur le blocage de l'armement qui ne parvient pas au front. Il s'agit surtout, à l'occasion de la seule victoire du moment sur tout le front républicain, la prise de Sietamo la veille devant Huesca, de bien marquer la détermination des révolutionnaires en Catalogne et en Aragon face au gouvernement central de Madrid. Le socialiste Largo Caballero, nouveau chef du Conseil, persiste dans son hostilité à l'égard de la collectivisation. Les miliciens qui refusent d'intégrer l'armée en reconstitution sont taxés d'incontrôlés et on reproche à la classe ouvrière de menacer l'économie nationale avec son utopisme. Sur le front d'Aragon, les milices ouvrières ne sont pas inactives. Elles attaquent l'ennemi, conquièrent des positions et maintiennent leur ligne de résistance en attendant de se lancer dans la grande offensive. Vous aussi, travailleurs d'Espagne, vous avez une importante mission à accomplir. Car la révolution ne se gagne pas seulement en tirant des coups de feu, mais aussi en produisant. Le front et l'arrière doivent collaborer étroitement. Ils doivent lutter, unis pour le même objectif. Le nôtre ne peut être rien d'autre que de soulever une Espagne qui s'appuie sur la classe ouvrière. Les travailleurs qui luttent aujourd'hui, au front ou à l'arrière, ne le font pas pour défendre les privilèges de la bourgeoisie, mais se battent pour leur droit de vivre dans la dignité. La force de l'Espagne est dans la classe ouvrière et dans ses organisations. Après la victoire, la CNT et l'UGT discuteront sur les formes et les orientations de l'économie en Espagne. Nous qui combattons sur le champ de bataille, nous ne le faisons pas pour des décorations. Nous ne luttons pas pour être députés ou ministres. Lorsque nous reviendrons du front, nous occuperons nos postes dans les usines, les ateliers, dans les mines, aux champs, là d'où nous sommes partis. C'est dans les centres de production que se gagnera la véritable bataille. Camarades, les armes doivent être envoyées au front. Nous en avons besoin pour dresser une barrière de fer devant l'ennemi. Ayez confiance en nous. Ces milices ne défendront jamais la bourgeoisie. Elles sont, elles resteront, l'avant-garde prolétarienne dans cette lutte que nous menons contre le capitalisme. Le fascisme international est décidé à gagner la bataille. Nous devons être décidés à ne pas la perdre. Et vous, travailleurs, qui m'écoutez derrière les lignes ennemies, nous vous disons que l'heure de votre libération approche. Les milices libertaires avancent, et rien ni personne ne pourra les arrêter. Parce que les pousse la volonté de tout un peuple. Collaborez vous aussi à notre œuvre en sabotant l'industrie de guerre fasciste, en créant des foyers de résistance, des guérillas dans les zones montagneuses. Luttez-vous tous qui le pouvez, et tant que vous aurez une goutte de sang, continuez à lutter. Travailleurs d'Espagne, courage! S'il est écrit qu'à un moment quelconque, nous devions risquer notre vie, disons-nous, c'est l'heure. Compagnons, restons optimistes. Que notre idéal à tous vous accompagne. En avant contre le fascisme, frères jumeaux du capitalisme. Ni l'un ni l'autre ne se discutent. Ils se détruisent. Suite au discours, des travailleurs de Sabadell, près de Barcelone, trouvent un stock d'armes emmagasiné au siège local du PSUC, le Parti communiste catalan, et alertent le comité de guerre de la colonne. Le sabotage du front d'Aragon est manifeste.